Vous allez dire que je m'amuse. Et que ne sachant plus que faire de mes voyageurs, je me jette dans l'allégorie, la ressource ordinaire des esprits stériles. Je vous sacrifierai mon allégorie et toutes les richesses que j'en pouvais tirer. Je conviendrai de tout ce qu'il vous plaira, mais à condition que vous ne tracasserez point sur ce dernier gîte de Jacques et de son maître. Soit qu'ils aient atteint une grande ville et qu'ils aient couché chez les filles, qu'ils aient passé la nuit chez un vieil ami qui les fait à son mieux, qu'ils se soient réfugiés chez des moines mendiants, où ils furent mal logés et mal repus, pour l'amour de Dieu, qu'ils étaient accueillis dans la maison d'un grand, où ils manquèrent de tout ce qui est nécessaire, au milieu de tout ce qui est superflu, qu'ils soient sortis le matin d'une grande auberge, où on leur fit payer très chèrement un mauvais souper servi dans des plats d'argent, et une nuit passée entre des rideaux de damas et des draps humides et repliés, qu'ils aient reçu l'hospitalité chez un curé de village, à portion congrue, qui courut mettre à contribution les basse-cours de ses paroissiens pour avoir une omelette, une fricassée de poulet, ou qu'il se soit enivré d'excellent vin et fait une grande chair et pris une indigestion bien conditionnée dans une riche abbaye de Bernardin. Car, quoique tout cela vous paraisse également possible, Jacques n'était pas de cet avis. Il n'y avait réellement de possible que la chose qui était écrite en haut. Ce qu'il y a de vrai, c'est que, de quelque endroit qu'il vous plaise de les mettre en route, il n'aurait pas fait 20 pas que le maître dit à Jacques, après avoir tout à fois, selon son usage, pris du tabac. « Eh bien, Jacques, l'histoire de tes amours !» Au lieu de répondre, Jacques s'écria, « Au diable, l'histoire de mes amours ! Ne voilà-t-il pas que j'ai laissé ? Qu'as-tu laissé ?» Au lieu de répondre, Jacques retournait toutes ses poches et se fouillait partout inutilement. Il avait laissé la bourse de voyage sous le chevet de son lit et n'en eut plutôt fait l'aveu à son maître que celui-ci s'écria, « Au diable, l'histoire de tes amours ! Ne voilà-t-il pas que m'en montre et rester accroché à la cheminée ?» Jacques ne se fit pas prier. Aussitôt, il tourne bride et regagne au petit pas, car il n'était jamais pressé. Le château immense ? Non, non ! Entre les différents gîtes possibles, dont je vous ai fait l'énumération qui précède, choisissez celui qui convient le mieux à la circonstance présente.